Chapitre 40e et épilogue. Rouen, année 2064. Arrête de me casser les pieds, fit Jason à Jérémy. Les deux enfants de Jarod, petit-fils de Jérémy, avaient respectivement 25 ans. Ils travaillaient tous deux dans la banque Emerson avec leur père, qui avait repris le flambeau quelques années auparavant. Jérémy reprit. Mais tu as eu raison de lui faire confiance. Regarde un peu cette jolie petite boutique. Elle a du goût, ta protégée. Ah, mais ma parole, tu rougis. Raconte, irait-il en guille sous roche? C'est tes stupidités. Je ne l'ai pas encore rencontré, du moins seulement professionnellement. J'ai juste étudié son dossier et donné mon accord pour le prêt. Bon, alors qu'attends-tu? Passe la voir au moins. Tu sauras à qui tu as accordé cette faveur. Ce n'est pas une faveur. La preuve en est qu'au bout de quelques mois, la demoiselle fait d'excellents bénéfices. En admettant, tu n'es pas curieux de la rencontrer? Bien sûr que si. En vérité, oui, que me caches-tu? Je l'ai déjà vue. Tiens donc, je croyais que tu ne la connaissais pas. Mais je ne la connais pas. Bah, j'y comprends rien. Je t'ai dit l'avoir vue, pas la connaître. Effectivement, cela change tout, ironisa Jérémy. Mais on va passer devant. Allez, viens, on va aller la voir. Non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Aurais-tu peur qu'elle ne me préfère à toi, Frange? Tu es insupportable, répondit Jason, pourtant pas très rassuré. Voyant la mimique de son jumeau, Jérémy reprit. Ne t'en fais pas, je n'ai aucune intention de marcher sur tes plates-bandes. Pourtant, je sens bien que tu voudrais la connaître un peu mieux. Qu'est-ce qui te retient ainsi? Eh bien, ce n'est pas le genre de boutique où je vais entrer facilement d'une part et... Ah, mais oui, tu ne m'as même pas dit de quel genre de commerce cette jante demoiselle se rend coupable. Elle tient une boutique de lingerie féminine. Oh, très intéressant. Toi, te connaissant, tu rases les murs. Bon, puisqu'il faut prendre les choses en main, allons-y. Arrête, Jérémy, je t'en prie. Regarde, nous y sommes. Bon, voilà le marché. Tu entres et tu lui demandes un conseil. Tu es fou, elle va penser que je suis marié. Ah, j'avais pas réfléchi à la chose. Bon, eh bien, dis-lui que tu veux faire plaisir à ta sœur, que c'est bientôt son anniversaire et qu'elle aime les jolies choses. Oui, ça pourrait se faire, sourit Jason. Ah, je ne suis pas toujours du mauvais côté, frangin. C'est vrai, pour une fois, je te le concède. Dans la boutique de prêt-à-porter féminin, le rire des deux jeunes femmes fusait haut et clair. Marina Lebel et Océane, son amie de toujours, avaient lancé leur magasin un an plus tôt. Et les affaires marchaient plutôt bien. D'un seul coup, redevenue sérieuse, Océane interrompit Marina. « Dis donc, tu as vu cet homme ?»« Lequel ?» demanda Marina. « Bon, écoute, tu vas pas me dire que tu ne l'as pas remarqué. Cela fait à peu près 4 ou 5 mois qu'il rôde autour de la boutique. Regarde, il est devant la vitrine. »« Ah, tu veux parler de celui-là »« Il y en a d'autres, » répliqua Océane en souriant. Marina rougit violemment. Je vois que tu l'avais remarqué. Plutôt bel homme. Il doit avoir les yeux gris, si je ne me trompe. Bleus, ils sont bleus nuit, affirma Marina. C'est bien ce que je pensais. Tu l'as remarqué, et même bien. Il doit rechercher quelque chose pour sa femme, et n'ose pas entrer, c'est tout. N'oublie pas que nous vendons surtout de la lingerie, et les hommes ne sont pas à l'aise pour choisir des sous-vêtements féminins. Peut-être, n'empêche que tu ne m'ôteras pas de l'esprit que c'est quelque chose d'autre qu'il recherche, et peut-être bien toi. Moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Parce que mine de rien, c'est toi qu'il regarde, pas moi. Pure coïncidence. On verra. Océane n'avait pas tort. Le jeune homme finit par entrer dans la boutique et se dirigea droit vers Marina. Bonjour. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Je recherche quelque chose pour ma sœur. Cela va bientôt être son anniversaire et, je vois, il me faudrait ses mensurations. Sans cela, elle est comme vous, enfin je veux dire que nous avons la même silhouette, c'est cela? Tout à fait. Vous avez une idée de ce que vous voulez lui offrir? À vrai dire, non, je n'en ai pas la moindre idée. J'avais pensé que vous pourriez m'aider. Bien sûr, mais je ne connais pas ses goûts. Cela est plutôt difficile. Je peux vous suggérer de regarder un peu ce que nous avons en magasin et ensuite... Très bien, je vais jeter un coup d'œil. Pendant que le jeune homme s'éloignait dans les rayons, Océane accourut vers Marina. Alors, raconte. Elle cherche quelque chose pour l'anniversaire de sa sœur. Sa sœur, mon œil. Océane, s'exclama Marina. Mais enfin, c'est plausible, non? Tu n'as pas vu comment il te contemple? Oh, l'amour est aveugle. Tu y vas un peu fort. S'il est aussi timide que toi, il va falloir que je m'en mêle. Je te l'interdis. Si quelque chose doit arriver, cela arrivera tout seul. C'est bien ce que je pensais. Il te plaît, ça se voit. Allez, avoue. D'accord, il me plaît. Il est beau, superbe. Et alors? Le physique n'est pas tout. Il peut être marié. Il l'est certainement, d'ailleurs. Il doit avoir dans les 25-28 ans. Tu as quel âge, toi? 25, tu le sais, nous avons le même âge. Quel rapport? Tu n'es pas mariée, que je sache. Bien sûr que non. Pourquoi lui devrait-il l'être? Oh, je t'en prie, arrête. Et puis tais-toi, le voilà. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je ne sais pas trop, à vrai dire. Ah, vous ne recherchez pas vraiment quelque chose pour votre sœur? Demanda Océane en souriant. Tournant son regard vers elle, le jeune homme acquiesça en souriant. C'est exact, vous voulez juste parler à mon ami, n'est-ce pas? Je me demande comment vous pouvez savoir cela, fit le jeune homme interloqué. Tu vois que j'avais raison, dit Océane à Marina, qui rougit de plus belle. En ce cas, je vous laisse faire connaissance. Ah, une dernière chose, vous êtes mariée? Océane, se scandalisa Marina. Le jeune homme partit d'un grand éclat de rire et répondit. Non, je ne suis pas mariée. Et votre amie? Non, elle ne l'est pas non plus. Bonne chance, dit-elle en s'éloignant, laissant Marina encore plus écarlate. Ils se regardèrent un instant intimidés mais amusés, et reprit la parole. Je m'excuse de vous avoir raconté des histoires, mais je ne savais pas trop comment. Enfin, cela fait plusieurs semaines que je vous ai remarqué et je ne savais pas trop comment m'y prendre pour faire votre connaissance. Je vois, je vous ai aperçu plusieurs fois. J'aimerais vous inviter à prendre un verre. Oh, avec la boutique, c'est à dîner alors, si vous êtes libre, bien sûr. Elle est libre, cria Océane du fond de la boutique. Eh bien, reprit le jeune homme amusé de l'aide inespérée qu'il trouvait en l'ami de la jeune femme. Marina ne savait plus quoi répondre. Le regard du jeune homme rivé au sien l'hypnotisait littéralement. Dites simplement oui ou non, c'est tout, reprit ce dernier. D'accord, mais je ne vous connais pas. Je manque à tous mes devoirs. Je me présente. Jason Emerson. Je travaille à la banque avec mon père. Vous savez, la banque au coin de la rue. Oh oui, bien sûr, j'ai un compte dans cette banque. Vous êtes notre cliente, je le sais. J'en ai bien peur. Vos comptes sont sains. Et comment connaissez-vous l'état de mes comptes? Mon père est président de la banque et je suis en quelque sorte son bras droit. Je connais votre situation financière. C'est moi qui vous ai accordé le prêt pour la boutique. J'avais raison, cela marche plutôt bien. Donc c'est grâce à vous si j'ai pu ouvrir ce magasin? En quelque sorte, oui. Cela vous dérange, on dirait. Non, c'est quand même une surprise. Marina, vous permettez que je vous appelle Marina? Oui, certainement. Appelez-moi Jason, ce sera plus facile pour faire connaissance. Marina, j'aimerais beaucoup vous emmener dîner, mais en aucun cas, vous ne devez vous sentir obligé d'accepter parce que je vous ai accordé ce prêt. Je ne mélange jamais le travail et la vie privée, et mon invitation est strictement du domaine privé. Je serai très heureuse de dîner avec vous, monsieur Jason, appelez-vous. D'accord, Jason. Seriez-vous libre ce soir? Eh bien, tu es libre ce soir, fit Océane. Excusez mon intervention, mais si je n'ajoute pas mon grain de sel, je garderai la boutique et j'assurerai la fermeture. Toi, tu rentres chez toi et tu te fais belle. Cela va me paraître difficile, répondit Jason. Vous êtes déjà resplendissante. La jeune femme rougit encore un peu plus. Ce soir, alors? D'accord. Je viens vous chercher à votre domicile? Entendu. Je vous donne l'adresse. Ce n'est pas nécessaire. Vous savez, elle est inscrite sur votre compte bancaire. Oh, je suis stupide, pardonnez-moi. Ne dites pas cela. Je vous trouve au contraire très rafraîchissante. Dans le monde où nous vivons, c'est si agréable d'avoir affaire à quelqu'un comme vous. Comment dois-je m'habiller? Comme il vous plaira. De toute façon, qu'importe quoi vous irez, n'importe quoi vous irez admirablement bien. À ce soir, Marina, 19h. À ce soir, Jason. Dès qu'il fut parti, Océane revint près de Marina. Que de compliments! On peut dire que tu ne lui as pas tapé dans l'œil, mais dans les deux. Quel bel homme, tout de même. Qu'en penses-tu? Marina restait plongée dans ses pensées. « Marina, je suis là, » Tu te rappelles de moi, ta meilleure amie? Comment? Que disais-tu? Océane soupira. C'est encore plus grave que je ne le croyais. Enfin, tu me raconteras tout demain. Il est 16 heures, je veux que tu disparaisses. Je ne vais pas mettre 3 heures pour me préparer, ce n'est qu'un dîner. Oui, mais un dîner entre un bel homme et une belle jeune femme. Tu m'énerves. Allez, pas de discussion, file immédiatement. Marina, à bout d'arguments, rentra chez elle. Avait-elle eu raison d'accepter ce dîner? Ce n'était pas un peu rapide? C'était étrange. La présence de cet homme la mettait à l'aise alors que cela aurait dû être le contraire. C'était un parfait inconnu, mais elle avait l'impression de l'avoir déjà rencontré auparavant. Elle avait été attirée par lui dès le premier regard. Par-delà la vitrine, plusieurs fois, leurs yeux s'étaient croisés et rencontrés. Quelques minutes étaient passées avant qu'ils ne s'arrachent à leur contemplation. Un inexplicable sentiment s'emparait à chaque fois de la jeune femme, comme si un puissant aimant soudait leur regard. Un dîner n'engageait à rien. Elle se félicita de passer quelques heures agréables. Elle se changea 3 fois avant d'arrêter son choix sur un élégant fourreau de soie sauvage noire. N'était-elle pas trop élégante? Elle allait enlever la robe lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit. Regardant sa montre, elle s'aperçut avec effarement qu'il était un peu plus de 19 heures. « Un instant » cria-t-elle. Un coup de brosse sur les cheveux et un soupçon de parfum complétèrent sa tenue. Tremblante et fébrile, d'un seul coup elle alla ouvrir. L'homme qui était devant elle était sublime. Costume gris clair croisé, cravate assortie, une gerbe de rose rouge baccarat à la main, un large sourire aux lèvres, il s'arrêta net en la voyant. Comment pouvez-vous être aussi belle? Je dois dire que vous n'êtes pas mal non plus. Bien, si nous en avons fini avec les compliments, répondit-il soudain gêné. Mais peut-être n'êtes-vous pas prête? Oh, je vous suis, le temps de prendre mon sac. Et vous allez venir comme cela? Oui, pourquoi? Quelque chose ne va pas? Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais où sont vos chaussures? Marina regarda ses pieds et devint écarlate. C'est très joli cette habitude que vous avez de rougir. J'adore ça. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive, vous me troublez. Oui. Sachez qu'il en est de même pour moi. Mettez donc vos chaussures, à moins que vous ne vouliez que je vous porte. Je le ferais volontiers, mais les passants dans la rue risqueraient d'être choqués par mon comportement. Il essayait de détendre l'atmosphère, bien qu'il soit lui-même tendu comme un arc. Il aurait aimé la prendre dans ses bras, et certainement pas seulement pour lui éviter de blesser ses pieds. Il fallait rester plus stoïque. Elle aurait sûrement pris la fuite si elle avait connu le fond de sa pensée. Il conduisait à une allure d'enfer. Marina, pas très rassurée, s'accrochait bien inutilement à la poignée de la portière. « Où allons-nous ? » « Je nous ai préparé un bon repas. Nous allons chez moi. » « Chez vous ? » « Cela vous ennuie ? » ?»« Non, pas du tout. Seulement j'avais pensé que je vous amènerais dans un restaurant avec plein de monde autour de nous. Croyez-vous, Marina, qu'à peine arrivée chez moi, je vous saute dessus ? » ?»« Oh non, non !» Mais cette pensée vous a effleuré, soyez sincère. Peut-être, en effet. Je vous fais peur, Marina? Je dois avouer que ne vous connaissant pas, j'ai un peu d'appréhension. Jason se gara aussitôt. Je peux vous promettre, Marina, que jamais je ne ferai quoi que ce soit qui vous déplairait. Vous avez ma parole, mais si vous n'êtes pas convaincue, je peux vous amener dans un bon restaurant. Leurs regards se croisèrent et s'accrochèrent de nouveau. Au bout d'un instant, Marina se secoua et répondit « Je vous fais confiance, Jason. Allons chez vous. » La table était somptueusement dressée dans un coin du salon. Les chandelles n'attendaient plus que la flamme d'une allumette. Jason pria Marina de s'asseoir. Cette dernière choisit un coin du canapé. « Je peux vous offrir une coupe de champagne ? Volontiers. » Le jeune homme s'affaira quelques instants du côté d'un bar ultramoderne. Il en ressortit 2 coupes et une bouteille de Dom Pérignon millésimé dans un seau à glace en cristal de Murano. Il s'assit juste en face de la jeune femme, ouvrit délicatement la bouteille et lui tendit une coupe. La regardant droit dans les yeux, il se troubla et renversa un peu de champagne sur sa veste. Oh, « je suis si maladroit !»« Oh, ce n'est rien, dit Marina. Il suffit d'un peu d'eau tout de suite et on ne verra plus rien. Vous permettez que j'ôte ma veste? Bien sûr, je peux peut-être vous aider. Donnez-la moi, je... Hors de question. Vous êtes mon invité. Vous ne bougez pas. Ce ne sera que l'affaire d'un instant. Je ne peux décemment pas dîner en bras de chemise. Ouf, cela ne me choquerait pas, vous savez. Après tout, nous ne sommes pas dans un grand restaurant. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, vous êtes sûr? Certaine, ne vous en faites pas. D'accord, reprenons nos coupes et portons un toast en ce cas. Lorsqu'il enleva sa veste, Marina retint un instant son souffle. Océane avait entièrement raison. Quel bel homme c'était! Cette carrure, ces muscles saillants. Jason était un homme dans tous les sens du terme. Il fallait reprendre ses esprits et vite. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait envie de le toucher, qu'il la prenne dans ses bras, qu'il... Oh, bon sang, assez, se dit-elle. Si jamais il s'apercevait de son trouble. Jason s'en aperçut, mais il n'essaya pas d'en tirer avantage. Il avait lui-même le plus grand mal à rester stoïque en sa présence. Il avait connu bien des femmes avant elle, mais dès qu'il avait posé son regard sur elle à la banque, il était resté paralysé. Un étrange sentiment inconnu était monté en lui. Depuis, il lui emprisonnait le cœur et l'esprit. Il était tout simplement tombé éperdument amoureux de cette jeune femme. Pendant plusieurs mois, il avait tourné autour de sa boutique, cherchant le bon moyen pour faire connaissance, mais il était resté pétrifié. À 30 ans à peine, c'était inimaginable. D'ailleurs, il n'avait jamais eu à faire d'efforts avec les autres femmes. Ils se rencontraient avec une brève aventure et se quittaient. Mais avec Marina, il voulait beaucoup plus. Il voulait tout d'elle et il était prêt, prêt pour le mariage, même si jamais cette idée ne lui avait effleuré l'esprit auparavant. Ils finirent le champagne. Le dîner fut ponctué d'éclats de rire et de moments de rares émotions. Jason était un compagnon sensible et agréable. Son sens de l'humour était très prononcé et plus d'une fois Marina rit aux larmes. Ils parlèrent beaucoup après le repas. Jason avait allumé une bonne flambée dans la cheminée et là, à la lueur des flammes, ils se racontèrent leur jeune vie. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre sans même s'en apercevoir. Lorsque Jason tourna la tête vers la jeune femme, il ne se retrouva qu'à quelques centimètres de sa bouche. Leurs yeux s'accrochèrent et ne purent se lâcher. Lorsque la bouche de Jason prit possession de celle de Marina, un éclair fulgurant emplit leur esprit, et en un instant tout bascula. Une série de flashs envahit leur tête. Incrédules, ils se reculèrent. Se regardant enfin, ils comprirent. Tu es la femme de ma vie, mon âme, tu es de retour. Oui, Jane, nous nous rencontrons à nouveau, et cette fois nous allons pouvoir la vivre, cette vie. Épilogue. Océane fut demoiselle d'honneur à leur mariage, et quelques 9 mois plus tard, elle tenait dans ses bras les 2 bébés que Marina venait de mettre au monde, des jumeaux en tout point semblables à leur père. Marina présenta les bébés à son amie. Voici Jay et Jerry. Tu veux bien être leur marraine? Les 2 jeunes femmes tombèrent dans les bras l'une de l'autre en riant de bonheur. Une autre génération J était née, et le livre des ancêtres se perpétuerait encore pendant de longues années, puisque l'âme d'un Irlandais ne meurt jamais. La vie ne serait-elle qu'un éternel recommencement? Fin.